Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum. İnna Allaha yahkumu ma yurid. Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde. Croyants, exécutez fidèlement les contrats. Vous sont permis les bestiaux qui ont le sabot fendu, excepté ce qui vous sera récité. Ne vous permettant pas la chasse quand vous êtes en territoire sacré, Dieu ordonne ce qu'il veut. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Croyants, ne violez pas les étapes sacrées du culte de Dieu, ni le mois sacré, ni les victimes marquées d'un signe en vue du sacrifice, ni les autres bêtes menées pour être immolées. Et n'attaquez pas ceux qui se rendent au temple sacré en vue d'une générosité de Dieu et une approbation. Quand vous serez en territoire profane, allez à la chasse, et que la rivalité d'un peuple ne vous pousse pas parce qu'ils vous auront détourné du temple sacré aux crimes et aux exactions. Aidez-vous les uns les autres pour la vertu et la pitié, et ne vous entraidez pas pour le péché et les exactions. Et craignez Dieu, car Dieu châtie sévèrement. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Vous sont prohibés la bête morte naturellement, le sang, la chair de porc, ce qui est immolé au nom d'autre que Dieu, les viandes étouffées, la bête qui tombe d'une hauteur ou qui reçoit un coup de corne, ce que dévore le carnassier, excepté ce que vous aurez égorgé régulièrement, ce qui est sacrifié au bel vent et la divination par les flèches. Cela est une dérogation. Aujourd'hui, les infidèles ont perdu tout espoir contre votre religion. Ne les craignez pas et craignez-moi. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. J'achève de vous combler de ma grâce et j'approuve pour vous comme religion la soumission à Dieu. Quiconque se trouvera dans la nécessité au cours d'une disette et non pas optant pour le péché, qu'il sache que Dieu est pardonneur et miséricordieux. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ils te questionnent. Que leur est-il permis? Dis-leur, vous sont permis les aliments purs et les carnassiers auxquels, à la manière des lévriers, vous apprenez de ce que Dieu vous enseigna. Nourrissez-vous de ce qu'ils prennent à votre intention et invoquez sur lui le nom de Dieu. Et craignez Dieu, car Dieu a le compte rapide. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Aujourd'hui vous sont permis les aliments purs. La nourriture de ceux qui avant vous ont reçu le livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise. Et les croyantes de conditions libres, et les ingénues d'entre ceux qui avant vous ont reçu le livre. Quand vous leur remettez leur dot en mariage régulier, et non en dévergondage, ni en amant et maîtresse, quiconque renie la foi, ses œuvres auront été vaines, et en l'autre vie il sera au nombre des perdus. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Croyant, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous la figure et les mains jusqu'aux coudes, et essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Quand vous aurez eu une pollution, lavez-vous le corps. Et quand vous êtes malade ou en voyage, que l'un de vous revienne des lieux où que vous ayez touché les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, imposez alors les mains sur une surface de terre lisse et pure et essuyez-vous en la figure et les mains. Dieu ne veut nullement vous mettre à la gêne, mais il veut vous purifier et achever de vous combler de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Rappelez-vous la grâce de Dieu sur vous et son alliance par laquelle il s'allia à vous lorsque vous dites « Nous avons entendu et nous obéissons ». Et craignez Dieu, car Dieu sait ce que scellent les cœurs. « Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist » ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Croyants, soyez droits devant Dieu, témoins équitables. Et que la rivalité d'un peuple ne vous pousse pas à n'être pas juste. Soyez juste, cela est plus près de la piété. Et craignez Dieu, car ce que vous ferez, Dieu le saura. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Dieu promet aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront un pardon et une rémunération immense. Et les infidèles qui renient nos versets, ceux-là iront à la fournaise. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Croyants, rappelez-vous la grâce de Dieu sur vous lorsque certains tentèrent de lever la main sur vous et qu'il détourna de vous leurs mains. Craignez Dieu et en Dieu que se fient les croyants. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dieu reçut autrefois l'alliance des Israélites, et nous suscitâmes d'entre eux 12 explorateurs. Et Dieu leur dit, je suis avec vous, si vous faites la prière et acquittez la dîme, et si vous ajoutez foi à mes envoyés, leur prêtez assistance, et consentez à Dieu un prêt gracieux, j'expierai pour vous vos fautes, et vous recevrez en des jardins que les fleuves arrosent. Quiconque parmi vous reniera par la suite, se sera égaré hors de la voie droite. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Pour avoir donc violé leur alliance, nous les avons maudits et avons fait durcir leur entendement. Ils adultèrent les paroles et ils ont oublié une partie de ce qui leur fut rappelé. Et tu ne cesseras de constater une traîtrise de leur part, excepté parmi eux un petit nombre. Sois donc clément pour eux et pardonne généreusement, car Dieu aime les bienfaiteurs. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et de ceux qui dirent « Nous sommes chrétiens », nous reçûmes l'alliance, mais ils oublièrent une partie de ce qui leur fut rappelé. Nous excitâmes entre eux la haine et l'inimitié jusqu'au jour de la résurrection, et Dieu leur expliquera plus tard ce qu'ils fabriquaient. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Peuple du livre, notre envoyé vous est parvenu qui vous expliquera beaucoup de ce que vous cachiez du livre et sera clément sur beaucoup. Il vous est parvenu de Dieu une lumière et un livre clair. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Par lequel Dieu montre à quiconque suit son approbation les voies du salut, les tire des ténèbres à la lumière avec sa permission et leur montre une voie droite. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ils furent infidèles, ceux qui dirent « Dieu, c'est le Christ, fils de Marie ». Dis-leur qui donc pourrait-il rien contre Dieu s'il voulait anéantir le Christ, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui peuplent la terre. C'est à Dieu qu'appartient l'empire de la terre, des cieux et de ce qui est entre eux. Il crée ce qu'il veut et Dieu est tout-puissant. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Nous sommes, disent les Juifs et les chrétiens, les fils de Dieu et ses amis. Dis-leur, pourquoi donc vous supplicient-ils en punition de vos péchés ? Vous n'êtes que des humains en nombre de ceux qu'il créa. Il pardonne à qui il veut et supplicie qui il veut. C'est à Dieu qu'appartient l'empire de la terre, des cieux et de ce qui est entre eux, et c'est à lui que tout fera retour. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Peuple du livre, notre envoyé vous est parvenu qui vous explique après une longue absence des envoyés. Que vous ne disiez, il ne nous est parvenu aucun qui annonce ni qui avertisse, car il vous est parvenu un envoyé qui annonce et qui avertit, et Dieu est tout-puissant. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Il fut un jour que Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous la grâce de Dieu sur vous lorsqu'il mit parmi vous des prophètes, vous fit roi et vous donna ce qu'il n'a donné à nul autre dans tout l'univers. » يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous assigna pour demeure et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous en retourneriez à perdition. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. Ô Moïse, dirent-ils, il y a là un peuple de géants, et nous n'y entrerons que s'ils en sortent. S'ils en sortent, nous entrerons. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. Franchissez la porte qui garde le pays, dirent alors parmi ceux qui avaient peur. Deux hommes sur qui était descendue la grâce de Dieu. Quand vous l'aurez passé, vous aurez gagné la victoire. Et fiez-vous en Dieu si vous êtes croyants. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ô Moïse, dirent les autres, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils l'occuperont. Pardon, toi et ton Seigneur, et combattez, car pour nous, nous restons ici à demeure. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Seigneur, dit-il, je n'ai d'autorité que sur moi et mon frère. Sépare-nous donc du peuple pervers. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Elle leur sera interdite, dit-il, durant 40 ans qu'ils passeront à errer par la terre. Ne t'inquiète donc pas du peuple pervers. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Et raconte leur histoire des fils d'Adam en toute vérité. Lorsqu'ils offrirent un sacrifice qui fut agréé de l'un d'eux et rejeté à l'autre, « Je te tuerai, dit-il, Dieu, lui dit son frère, agrée seulement de ceux qui le craignent. » لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne suis pas pour lever la main sur toi et te tuer, car je crains Dieu, le maître des mondes. Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Je veux que tu t'en retournes, chargé de mon péché en plus de ton péché, pour que tu sois au nombre de ceux qui iront au feu. Et tel sera le châtiment des injustes. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Il se persuada qu'il pourrait tuer son frère et il le tua. Un beau matin, il était au nombre des perdus. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Dieu envoya un corbeau qui fouillait dans la terre pour lui faire voir comment dissimuler le cadavre de son frère. « Malheur à moi, dit-il, serais-je impuissant à faire comme ce corbeau et dissimuler le cadavre de mon frère ?» Un beau matin, il était au nombre de ceux que ronge le remords. « Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. En raison de quoi nous prescrivîmes aux Israélites que quiconque mettra à mort un être humain, sauf pour meurtre ou malfaisance sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et quiconque lui laisse la vie, c'est comme s'il l'avait laissé la vie à l'humanité entière. Nos envoyés leur ont porté les preuves évidentes et beaucoup d'entre eux, après cela, se livrent sur terre aux exactions. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Le châtiment de ceux qui font la guerre à Dieu et à son envoyé et qui répandent le mal sur terre, c'est qu'ils soient mis à mort ou crucifiés, ou que leur soient coupés en diagonale les mains et les pieds, ou qu'ils soient expulsés du pays. Cela est pour eux une ignominie ici-bas. Et ils auront, en l'autre vie, un supplice immense. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Excepté ceux qui se repentent avant que vous ne mettiez la main sur eux, car alors sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Croyants, craignez Dieu, cherchez auprès de lui le rapprochement et combattez dans sa voie. Peut-être que vous prospérerez. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Les infidèles qui sont morts en infidélité, quand ils auraient chacun le plein contenu de la terre en or, et encore une quantité pareille pour se racheter du supplice du jour de la résurrection, rien ne sera accepté d'eux, et ils auront un supplice douloureux. Ils voudraient sortir du feu et n'en sortiront pas, et ils auront un supplice éternel. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main en punition de ce qu'ils auront perpétré. Châtiment exemplaire de la part de Dieu. Dieu est tout puissant et toute sagesse est en lui. Quiconque se repent après son injustice et fait de bonnes œuvres, Dieu reviendra à lui, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Ne sais-tu pas que Dieu a l'empire de la terre, des cieux et de ce qui est entre eux? Il supplicie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Dieu est tout-puissant. Ya ayyuha ar-rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Envoyé, ne t'inquiète pas de ceux qui courent au plus vite à l'infidélité, d'entre ceux qui disent par leur bouche « Nous sommes croyants » mais qui n'ont pas la foi au cœur, et d'entre les Juifs, grands écouteurs de mensonges et grands écouteurs de certains autres qui ne sont pas venus à toi, adultérant les paroles et disant « Si ceci vous est apporté, prenez-le, et s'il ne vous est apporté, alors méfiez-vous. » Et celui que Dieu voue à la tentation ne pourra en sa faveur rien contre Dieu. Faisons cela de qui Dieu ne veut pas purifier les cœurs. Ils auront en partage ici-bas l'ignominie, et ils auront dans l'autre vie un supplice immense. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Grands écouteurs de mensonges et grands mangeurs de mal acquis, ils viennent à toi, juge-les ou laisse-les. Si tu les laisses, ils ne te nuiront en rien. Et si tu juges, juge-les en toute équité, car Dieu aime les hommes équitables. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Et comment te prendraient-ils pour juge alors qu'ils ont la Torah dans laquelle est le jugement de Dieu? Et après cela, ils se détournent? Tels ne sont pas les croyants. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Nous avons révélé la Torah dans laquelle est une direction et une lumière. Par elle jugeaient les Juifs, les prophètes, ceux qui firent soumission, les dévoués de Dieu et les docteurs par ce qui fut confié à leur mémoire sur le livre de Dieu et dont ils furent témoins. Ne craignez donc pas les hommes et craignez-moi. Ne troquez pas mes versets contre une matière de peu. Et quiconque ne juge pas ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les infidèles. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nous leur prescrivîmes en elles, âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et les blessures seront compensées pécuniairement. Quiconque en fait aumône sera une expiation pour lui, et quiconque ne juge pas par la révélation de Dieu, ceux-là sont les injustes. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Nous fîmes suivre leurs traces par Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah qui le précédait, et nous lui donnâmes l'Évangile, dans lequel est une direction et une lumière, confirmant la Torah qui le précède, et comme direction et admonition pour ceux qui craignent Dieu. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que le peuple de l'Évangile juge donc par ce que Dieu révéla en lui, et quiconque ne juge pas par la révélation de Dieu, ceux-là sont les pervers. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Et nous t'avons révélé le livre en toute vérité, confirmant le livre qui le précède et pour faire bonne garde sur lui. Juge-les donc par la révélation de Dieu et ne suis pas leur caprice après la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé une législation et une voie. Et si Dieu voulait, il ferait de vous un même peuple. Mais c'est pour qu'il vous mette à épreuve en ce qu'il vous a donné. Accourez donc plus vite aux œuvres de bien. C'est à Dieu que tous vous ferez retour, et lui vous expliquera ce qui était l'objet de votre désaccord. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنزل اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Et que, juge-les par la révélation de Dieu. Ne suis pas leur caprice et mets-toi en garde. Ils ne te tentent au sujet d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. S'ils se détournent, sache que Dieu aura voulu les atteindre pour une partie de leur péché. Et beaucoup d'entre les hommes sont pervers. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Veulent-ils donc le jugement des temps d'ignorance? Et qui jugerait-il mieux que Dieu pour des hommes qui ont foi? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera de leur nombre, et Dieu ne guidera pas les injustes. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Tu verras ceux de qui l'entendement est perverti courir au plus vite à eux, disant « Nous craignons que nous atteigne un revers. Dieu veuille faire venir la victoire ou un ordre de lui, et un beau matin, ils seraient pris de remords pour ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. » ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Est-ce là, diront les croyants, ceux qui juraient par Dieu de toute la force de leur serment qu'ils étaient avec vous? Leurs œuvres ont été vaines, et un beau matin, ils étaient perdus. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Quiconque parmi vous abjurera sa religion, qu'il sache que Dieu fera venir un peuple qu'il aime et de qui il est aimé. humbles envers les croyants, fiers envers les infidèles. Ils combattront dans la voie de Dieu sans craindre le reproche d'aucun censeur. C'est là la générosité de Dieu qui l'accorde à qui il veut. Et Dieu est immense et omniscient. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Votre seul allié, c'est Dieu, son envoyé et les croyants, ceux qui célèbrent la prière et acquittent la dîme en s'inclinant devant Dieu. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Quiconque prend pour allié Dieu, son envoyé et les croyants, qu'il sache que c'est le parti de Dieu qui seront les vainqueurs. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Croyants, ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion en moquerie et pour un amusement, entre ceux qui ont reçu le livre avant vous, ni les infidèles pour alliés. Et craignez Dieu si vous êtes croyants. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Et quand vous appelez à la prière, ils la prennent en moquerie et pour un amusement, cela parce qu'ils sont des hommes qui ne comprennent pas. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا Dis-leur, peuple du livre, que nous reprochez-vous sinon d'avoir cru en Dieu à la révélation qui nous est parvenue et à la révélation antérieure et que la plupart de vous sont pervers. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Dis-leur, vous enseignerai-je de qui le destin est pire aux yeux de Dieu? Ceux que Dieu maudit et chargea de sa colère et de qui il fit les singes et les porcs. Et les adorateurs des idoles, ceux-là sont en pire lieu et plus égarés hors de la voie droite. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Quand ils vous rencontrent, ils disent « Nous sommes croyants », alors qu'ils sont entrés infidèles et sont sortis d'eux-mêmes. Et Dieu sait mieux ce qu'ils cachent en eux-mêmes. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Tu verras beaucoup d'entre eux courir au plus vite au péché et aux transgressions et à manger le mal acquis. Pire chose que ce qu'ils font. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Que ne les réprouvent-ils, les rabbins et les docteurs, pour le mensonge qu'ils disent et ce qu'ils mangent de mal acquis? Pire chose que ce qu'ils pratiquent. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. La main de Dieu, disent les Juifs, est enchaînée. Leurs mains soient enchaînées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils disent. Au contraire, ses mains sont étendues. Il dispense comme il veut et la révélation qui t'est parvenue de ton Seigneur doublera en beaucoup d'entre eux la frénésie et l'infidélité. Nous avons semé entre eux la haine et l'inimitié jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allumeront un feu pour la guerre, Dieu l'éteindra. Ils répandent le mal sur terre et Dieu n'aime pas les malfaisants. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Si le peuple du livre avait ajouté foi et avait craint Dieu, nous aurions expié pour eux, leurs fautes, et les aurions reçus dans les jardins de délices. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Ils avaient restauré la Torah, l'Évangile et la révélation qu'ils reçurent de leur Seigneur, ils cueilleraient leur subsistance d'au-dessus d'eux et de dessous leurs pieds. Il est d'eux qui sont modérés et beaucoup parmi eux, pire est ce qu'ils font. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Envoyé, transmets ce qui t'est révélé de ton Seigneur, et si tu ne fais, tu n'auras pas transmis sa mission. Dieu te protégera contre les hommes, et Dieu ne guidera pas les injustes. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Dis-leur, peuple du livre, vous ne vous appuierez sur rien tant que vous n'aurez pas restauré la Torah, l'Évangile et la révélation que vous avez reçue de votre Seigneur. Et la révélation qui t'est parvenue de ton Seigneur doublera en beaucoup d'entre eux la frénésie et l'infidélité. Ne t'afflige donc pas sur le sort des pervers. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les croyants, les juifs, les sabéens et les chrétiens, quiconque a foi en Dieu et au jour dernier et fait de bonnes œuvres, ceux-là ne seront ni inquiétés ni tourmentés. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Nous reçûmes autrefois l'alliance des Israélites et leur envoyâmes des messagers. Chaque fois qu'un envoyé venait à eux, porteurs de ce qui n'était pas selon leurs caprices, les uns ils traitaient de menteurs et les autres ils mettaient à mort. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ils escomptaient qu'il n'y aurait pas tentation, et ils furent aveugles et sourds. Ensuite, Dieu revint à eux. Ensuite, ils furent aveugles et sourds. Cela pour beaucoup d'entre eux. Et ce qu'ils feront, Dieu le verra. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ils furent infidèles, ceux qui dirent « Dieu c'est le Christ, Jésus fils de Marie », alors que le Christ avait dit « Israélites, adorez Dieu mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe d'autres à Dieu, Dieu lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et les injustes n'auront nul défenseur. » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Ils furent infidèles, ceux qui dirent Dieu est troisième de trois. Il n'est d'autre Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne s'abstiennent de parler ainsi, les infidèles parmi eux seront atteints d'un supplice douloureux. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Ainsi donc, ils ne reviendront à Dieu ni l'imploreront son pardon, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Le Christ, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un envoyé. Avant lui passèrent les envoyés. Et sa mère fut une vraie fidèle. Il se nourrissait d'aliments. Vois comme nous leur expliquons les versets et ensuite vois où ils se laissent détourner. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Dis-leur, adorerez-vous en deçà de Dieu ce qui ne peut vous faire ni bien ni mal alors que Dieu est le parfait entendeur, l'omniscient. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dis-leur, peuple du livre, n'exagérez pas en votre culte outre la vérité et ne suivez pas les caprices d'hommes qui autrefois s'égarèrent, attirèrent dans l'erreur beaucoup d'autres et s'égarent hors de la voie droite. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Les infidèles d'entre les Israélites furent maudits par la bouche de David et Jésus, fils de Marie. Cela pour leur désobéissance et leur transgression. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ils ne se réprouveraient pas les uns les autres pour des actions blâmables, pire chose que ce qu'ils faisaient. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Tu verras beaucoup d'entre eux s'allier aux infidèles, pire chose que leur inspirent leurs âmes que d'être chargés de la plus violente colère de Dieu, et ils seront voués au supplice éternel. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Et s'ils croyaient en Dieu, aux prophètes et à la révélation qui lui est parvenue, ils ne les prendraient point pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Tu trouveras que de tous les hommes, ceux qui portent aux croyants la haine la plus violente, ce ce sont les juifs et les païens. Et tu trouveras que de tous, ceux qui sont le plus près de les aimer, ce sont ceux qui dirent « Nous sommes chrétiens ». Cela parce qu'il y a parmi eux des évêques et des moines et qu'ils n'ont point d'orgueil. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et quand ils entendent la révélation reçue par l'envoyé, tu verras leurs yeux débordés de larmes, tant ils auront reconnu la vérité. Seigneur, disent-ils, nous sommes croyants. Inscris-nous donc au nombre des témoins. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدَخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Et qu'aurions-nous à ne pas croire en Dieu et à la vérité qui nous est parvenue alors que nous espérons en notre Seigneur qu'il nous recevra au nombre des justes ? فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. En récompense de ce qu'ils dirent, Dieu les reçut en des jardins éternels que les fleuves arrosent. Et telle est la récompense due aux bienfaiteurs. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Quant aux infidèles qui renient nos versets, ceux-ci seront les habitants de la fournaise. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Croyants, n'interdisez pas les aliments purs que Dieu vous a permis et n'outrepassez, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Nourrissez-vous des aliments purs et licites que Dieu vous procure, et craignez Dieu, en qui vous avez foi. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Dieu ne vous reprendra pas pour les serments que vous ferez à la légère, mais il vous reprendra pour les serments que vous prêterez fermement. L'expiation en sera la nourriture de 10 pauvres, nourriture la plus moyenne que vous fournissez à vos familles, ou leurs vêtements, ou l'affranchissement d'un esclave. Celui qui ne trouve pas, qu'il jeûne 3 jours. Telle sera l'expiation de vos serments quand vous jurerez. Et retenez bien les termes de votre serment. C'est ainsi que Dieu vous explique ces versets. Peut-être que vous vous guiderez. Yeah. الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Croyants, le vin et le jeu, les pèlevants et la divination sont une impureté et une œuvre de Satan. Évitez-les, peut-être que vous prospérerez. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. L'intention de Satan, c'est de semer entre vous la haine et l'inimitié dans le vin et le jeu, et vous détourner de la prière et de l'invocation de Dieu. Vous abstiendrez-vous donc ? Obéissez à Dieu et à l'envoyé, et prenez vos précautions. Si vous vous détournez, sachez que notre envoyé n'a sur lui que la transmission claire. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Les croyants qui font de bonnes œuvres n'encourront aucun péché pour ce qu'ils auront consommé s'ils craignent Dieu et croient en lui et font de bonnes œuvres. Ensuite, craignent Dieu et croient en lui. Et ensuite, craignent Dieu et font œuvre de bien. Et Dieu aime les bienfaiteurs. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Croyant, Dieu vous éprouvera par quelques gibiers qu'atteindront vos mains et votre lance, pour que Dieu reconnaisse ceux qui le craignent en l'absence de tout témoin. Quiconque, par la suite, commettra une transgression aura un supplice douloureux. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Croyant, ne tuez pas le gibier quand vous êtes en territoire sacré, et celui de vous qui le tuera volontairement, qui l'immole devant le dé, une bête de même valeur que ce qu'il aura tué, sur estimation de deux hommes équitables d'entre vous. ou en expiation, il nourrira des pauvres ou jeûnera l'équivalent. Pour qu'il goûte les suites amères de son acte, Dieu fait clémence sur ce qui est passé, et quiconque récidive, Dieu se vengera de lui. Dieu est tout-puissant et il tire vengeance. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vous est permis ce que vous pêchez dans les eaux et la nourriture qu'elle rejette. C'est une subsistance pour vous et pour la caravane. Et le gibier vous est prohibé tant que vous êtes en territoire sacré. Et craignez Dieu devant qui vous serez rassemblés. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Dieu institua le dé, le temple sacré, pour le relèvement des hommes et le mois sacré. Les bêtes à immoler et les victimes marquées d'un signe en vue du sacrifice. Ceci dit, pour que vous sachiez que Dieu sait ce que porte la terre et ce qui est aux cieux, et que Dieu connaît toutes choses. Sachez que Dieu châtie durement et que Dieu est pardonneur et miséricordieux. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. L'envoyé n'a sur lui que la transmission, et Dieu sait ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez en vous-même. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dis-leur, ils ne se valent pas, le bon et le mauvais. Même si du mauvais te plaît la quantité, craignez Dieu, homme d'entendement. Peut-être que vous prospérerez. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Croyants, ne questionnez pas sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous seraient désagréables. Et si vous questionnez sur elles, à l'heure qu'est révélée la lecture, elles vous seront dévoilées. Dieu soit clément au sujet d'elles. Dieu est pardonneur et plein de longanimité. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. D'autres avant vous questionnèrent sur elle et ensuite un beau matin ils en furent infidèles. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Dieu ne défendit de monter aucun camelin, ni n'en prohiba la chair, ni le lait, ni à aucun il n'ordonna de mutiler l'oreille. Mais les infidèles profèrent sur le compte de Dieu le mensonge, et la plupart d'eux ne comprennent pas. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Et quand on leur dit « Venez donc à la révélation de Dieu et à l'envoyé », ils disent « Il nous suffit de la voie sur laquelle nous avons trouvé nos pères ». Est-ce donc que même si leur père ne savait rien, ils ne se guidaient ?« Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum » إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Croyant, vous n'avez à charge que vous-même, et si quelqu'un s'égare, il ne vous nuira en rien. C'est à Dieu que tous vous ferez retour, et lui vous expliquera ce que vous faisiez. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Voyant, quant à l'un de vous se présente la mort et qu'il fera ses dernières recommandations, prenez à témoin deux hommes équitables d'entre vous, ou deux autres pris hors de vous quand vous êtes en voyage et que vous atteint le malheur de la mort. Vous les retiendrez après la prière et ils jureront par Dieu. Si vous avez des doutes, nous ne le troquerons contre aucune matière serait-ce au profit d'un proche. Et nous ne scellerons pas le témoignage de Dieu car nous serions du nombre des pécheurs. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Si l'on trouve qu'ils ont encouru un péché, deux autres tiendront lieu d'eux. De ceux contre qui aura été encouru le péché, les deux les plus qualifiés. Ils jureront par Dieu, disant « Notre témoignage est plus vrai que leur témoignage et nous n'avons pas outrepassé car nous serions du nombre des injustes. » أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cela est plus propice à ce qu'ils portent témoignage selon la face des choses ou craignent que d'autres serments soient référés après leur serment. Craignez Dieu, et écoutez, et Dieu ne guidera pas les pervers. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Le jour viendra où Dieu rassemblera les envoyés. Que vous a-t-on répondu, dira-t-il ? Nous n'avons aucune connaissance, diront-ils. C'est toi qui connais tous les mystères. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Il fut un jour que Dieu dit à Jésus, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi ma grâce que je fis descendre sur toi et sur ta mère quand je t'appuyais du Saint-Esprit et que tu parlais aux hommes, encore au berceau, et plus tard, homme fait. Je t'enseignais l'Écriture et la sagesse, la Torah et l'Évangile, que tu créais le limon comme la forme d'un oiseau avec ma permission, puis soufflais, et elle devenait un oiseau avec ma permission. » que tu ressuscitais les morts avec ma permission, et tu guérissais l'aveugle et le lépreux avec ma permission, que je détournais de toi les coups des Israélites quand tu vins à eux porteurs d'épreuves et que les infidèles d'entre eux disaient « Ceci n'est évidemment que de la sorcellerie ». وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Que j'inspirais aux apôtres, croyez en moi et à mon envoyé. Ils dirent, nous croyons et sois témoin que nous faisons soumission. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur pourrait-il nous envoyer une table du ciel ? Craignez Dieu, dit-il, si vous êtes croyant. Nous voudrions, dirent-ils, y prendre notre repas, et pour que nos cœurs soient tranquilles, pour que nous sachions que tu nous as dit la vérité, et pour que d'elle nous soyons témoins. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre sur nous une table du ciel qui sera pour nous une fête pour le premier de nous et le dernier et un signe de toi. Donne-nous notre subsistance et c'est toi le dispensateur par excellence. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Vous la recevrez de moi, dit le Seigneur, et celui de vous qui la reniera par la suite, je lui infligerai un supplice que je ne ferai subir à nul autre dans tout l'univers. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Il fut un jour que le Seigneur dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi pour Dieu, moi et ma mère, en deçà de Dieu. Gloire à toi, dit-il, il ne siérait à moi que je dise ce qui de moi n'est point vrai. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce que j'ai au cœur, et je ne sais ce qui est en toi, et c'est toi qui connais tous les mystères. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Je ne leur ai dit que ce que tu m'ordonnas, que adorer Dieu, mon Seigneur et le vôtre, et je fus témoin contre eux tant que je fus parmi eux. Lorsque tu mis fin à mes jours, c'est toi qui fus de l'observateur et de toutes choses tu es témoin. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si tu les supplicies, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage par excellence. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. C'est en ce jour, dit le Seigneur, que servira aux fidèles leur fidélité. Ils auront pour demeure de toute éternité des jardins que les fleuves arrosent. Dieu les approuve, et d'eux il est approuvé. C'est là le triomphe suprême. Lillahi mulku s-samawati wal-ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dieu a l'empire de la terre et des cieux, et ce qu'il porte, et lui est tout puissant.